Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Peggy Guggenheim pour l'amour de l'art. This is Brancusi's bird in space. Voici l'oiseau dans l'espace, la fameuse sculpture de Brancusi. Je crois que c'était l'une de ses préférées. J'allais le voir presque tous les jours. C'était un homme merveilleux, moitié dieu, moitié paysan. He was a marvelous little man, sort of half god and half peasant. And did you have your affair with Brancusi? Avez-vous eu une aventure avec Brancusi le jour où vous êtes allé lui parler affaire? Oui, je suis terrible, car je pensais qu'en le séduisant, j'obtiendrais un meilleur prix. Peggy Guggenheim, collectionneuse d'hommes et d'œuvres d'art. La formule est un peu courte, mais elle résume assez bien en même temps la vie qu'a eue Peggy Guggenheim. L'extrait qu'on vient d'entendre est tiré du documentaire Peggy Guggenheim, la collectionneuse, réalisé en 2015 par Lisa Imordino-Vreeland. Ce documentaire s'appuie largement sur une entrevue qu'a accordée Peggy Guggenheim à sa biographe en 1970. Une entrevue qu'on croyait perdue, qui a été retrouvée il y a quelques années seulement. L'histoire de Peggy Guggenheim est fascinante. C'est l'histoire d'une femme richissime et marginale à la fois, qui cherche à fuir ses origines de grande bourgeoise en se passionnant pour l'art abstrait, une forme d'art dans laquelle elle se reconnaît complètement. Elle a toujours eu le génie de rassembler non seulement des œuvres exceptionnelles, de les découvrir, mais de rassembler autour d'elle les gens les plus extravagants, qu'ils soient ses maris, ses amants, simplement des gens de passage. Tout ce qui bouge à Paris, à New York, à Londres, à Venise, on le retrouve forcément autour de Peggy Guggenheim. C'est quand même fou tout ça. C'est vrai qu'elle avait le don de les attirer, mais je crois que c'était finalement ce désir éperdu de liberté et ce goût pour les expériences révolutionnaires qui attiraient des gens de très très très haut niveau vers elle. Et d'ailleurs, Marcel Duchamp lui disait quelque chose d'intéressant. Il lui disait que si elle n'avait pas eu tant d'argent, elle-même aurait certainement été une artiste. Mm-hmm. Et je crois qu'il y avait ce désir de créer quelque chose. Et sa collection, c'est devenu une vraiment une création, je crois. Oui, parce que oui. C'est une collection très originale qui synthétisait un petit peu toutes les tendances de l'art de son temps. Il y avait des futuristes, il y avait des surréalistes, il y avait l'expressionnisme abstrait. Il y avait quand même des tendances très diverses. Et c'était pas une collection qui ne représentait qu'une tendance, comme c'était le cas dans la plupart des cas à l'époque. La biographe de Peggy Guggenheim, Laurence Tacourumné, qui est aussi l'épouse du petit-fils de Peggy Guggenheim, au micro de Marie-France Bazot à l'émission Indicatif présent en 1996. Pour nous présenter ce personnage plus grand que nature qu'a été Peggy Guggenheim, je reçois l'animatrice et comédienne Geneviève Rioux. Geneviève Rioux, bonjour. Bonjour. C'est vous, Geneviève, qui nous avez proposé de faire cette émission sur Peggy Guggenheim. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant chez elle? Bien, Peggy Guggenheim, c'est une femme qui me fascine parce que c'est une collectionneuse d'art moderne, mais exceptionnelle. On a rarement vu ça, même dans tous les siècles de peinture. Et elle n'avait pas de formation académique, là, du tout, mais elle disait que de toute façon, à l'école, si elle était allée, elle aurait été le mouton noir. Oui. Et c'est une femme qui est divorcée, qui est libre sexuellement, et puis elle ne se cache pas, et on la critique, on la dit sulfureuse et tout ça, mais pourtant, les peintres qu'elle côtoyait, ils n'étaient pas des anges non plus. Oui. Donc, une vie mouvementée, des aventures nombreuses avec les hommes, les artistes qu'elle va croiser. Puis vous le disiez, puis elle-même le disait, là, cette notion de mouton noir, mais c'est important parce que dans sa famille, un peu le mouton noir de cette grande famille, de la grande bourgeoisie américaine. Puis à vous écouter, on comprend que déjà, elle va se tourner vers l'art contemporain. Il n'y a pas tant de femmes qui gravitent, qui sont collectionneuses à ce moment-là dans le monde de l'art. Donc là aussi, au fond, un peu, passez-moi l'expression, outsider, mouton noir. Parlons-en de cette collectionneuse, de cet instinct qu'elle a comme collectionneuse. Oui, c'est ça. Elle a monté une des plus belles collections privées au monde. C'était vraiment... Elle a assumé son rôle de mécène. Là. C'était pas une petite vitrine. Sa galerie new-yorkaise, ça, c'est devenu le centre de la création d'art moderne américain. africain. Et ça va déboucher sur l'expressionnisme américain, en fait. Là, ça va être, et la galerie Art of the Century va devenir un aimant pour tous les jeunes qui décidaient de faire de l'art aux États-Unis, en fait. Parce qu'elle y expose tous ses talents qui montent, ce qui va devenir effectivement l'expressionnisme américain, ce courant-là. Puis en plus, vous le disiez, mais c'est une mécène, c'est plus qu'une galerie d'art, ce lieu-là. C'est une espèce de petit laboratoire. Tout ce qui sort des sentiers battus dans l'art américain se retrouve autour de Peggy Guggenheim, Geneviève Rioux. Exactement, exactement. Elle est toujours là au bon moment. Elle rencontre toujours les gens les plus intéressants. Et puis, elle n'aime pas les trucs qui sont trop... trop banal, c'est quelque chose qu'elle ne peut concevoir. Ouais. Puis un instinct, puis on va y revenir, puis elle est aidée par des grands peintres, mais un instinct redoutable aussi qui fait qu'elle construira cette collection exceptionnelle. Parlons un petit peu de ses origines, parce que ça vaut le détour. Parlez-moi d'elle. Qui est-elle? Quelle place elle occupe dans cette grande dynastie des Guggenheim? Oui, et bien, en fait, il y a aussi les Seligman, c'est-à-dire que sa mère est une Seligman. Ils ont fait une fortune énorme, les Seligman, avec le chemin de fer. Et malheureusement pour Peggy, sa mère, Madame Seligman, n'a aucun instinct maternel et elle s'occupe pas des enfants. Elle les envoie aux gouvernantes, des gouvernantes rigides et qui ont aucune affection avec. Alors c'est une enfance un petit peu difficile pour Peggy du côté de sa mère. Par contre, du côté du père, alors là, les trois filles sont amoureuses folles de leur père, qui est Benjamin Guggenheim, donc le fameux la dynastie des Guggenheim. C'est un homme affable, un homme à femme aussi. C'est un homme qui dépense beaucoup. Il a financé un peu la Tour Eiffel. En tout cas, il est très dépensier. Et c'est aussi celui qui meurt sur le Titanic en 1912. Ah bon? Et Peggy va être dévastée, ainsi que ses deux sœurs. C'est terrible, terrible. Parce que, et aussi autre mauvaise nouvelle, c'est que le beau Benjamin, il a dilapidé la fortune familiale à sa mort. Et donc, finalement, Peggy ne serait pas si riche que ça, sauf que son grand-père meurt en 1919. Et là, elle devient une riche héritière. C'est la famille des banquiers Guggenheim et tout ça. Et notre excentrique, notre mouton noir de la famille marginale, devient riche grâce à l'héritage du grand-père qui meurt en 1919. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un mythe autour de ça. On pense qu'elle est riche héritière de son père, mais non, il s'est ruiné avant de mourir sur le Titanic. C'est vraiment de son grand-père dont elle est la riche héritière. Donc, avec tout cet argent en poche, elle décide, puis il faut se rappeler le contexte, elle décide de débarquer à Paris pour une première fois au début des années 20, en pleine année folle, donc. Et c'est là qu'elle commence à faire son apprentissage de la peinture, de la sculpture, qu'elle rencontre aussi à peu près tout ce qui bouge dans le milieu artistique et bohème du Paris de l'époque. Parlez-moi de ça, Geneviève Rioux. À quoi ressemblent les années 20 parisiennes de Peggy Guggenheim? Mais au début, je pense que c'est le rêve de Peggy, tout simplement. C'est les années folles, les années 20, le Charleston, il n'y aura plus jamais de guerre, tout le monde est fou, les gens vivent la nuit. Et Peggy plonge là-dedans avec bonheur. Et elle rencontre, en fait, elle marie un artiste très, très mineur, Lawrence Veil, mais qui est un peu le roi de ces fêtes de la bohème parisienne, Lawrence Veil. Et donc, elle va avoir deux enfants avec lui. Et bon, malheureusement, c'est un être flamboyant, beau bonhomme et tout, chevelure et blonde et tout, mais en fait, c'est un homme qui est alcoolique, il devient violent. Et bon, malheureusement, Peggy doit divorcer. Et puis elle va partir avec ses deux enfants. Mais ça ne l'empêche pas de continuer parce que là, elle rencontre Man Ray, elle rencontre la danseuse Isadora Duncan, elle rencontre James Joyce et aussi une rencontre qui va être assez marquante, c'est Samuel Beckett. Parce que Samuel Beckett, c'est alors un jeune homme, c'est un bel homme, assez qui a l'air un peu sombre et tout. Et elle a une aventure avec lui, une liaison. Mais elle est persuadée qu'il doit devenir écrivain. Mais il n'écrit pas. Et à une période, elle vient le voir tous les jours, parce que lui, il vit de nuit, et elle vient le déranger, mettons, à 11 heures, et puis elle lui dit, « Bon, là, tu vas écrire jusqu'à 6 heures, puis ensuite, je t'amènerai au restaurant. » Et elle a fait ça, et bien, on a vu ce que ça a donné. Samuel Beckett a quand même fait toute une carrière. Oui. Et ça en dit beaucoup. Mais c'était une liaison. C'était une des liaisons de Peggy. Et ça nous en dit beaucoup sur le personnage qu'elle a été, ce côté... l'amour de l'art, mais l'amour des artistes, encourager les artistes, puis elle le fera plus tard aussi comme mécène, mais déjà, on sent ça dans cette période parisienne, cette première période parisienne de Peggy Guggenheim, puis elle va rencontrer plein de monde, Marcel Duchamp, qui va être très, très important pour elle aussi. Elle va... Sa première galerie, c'est à Londres qu'elle va l'ouvrir. C'est donc à Londres qu'elle devient marchande d'art. Parlez-moi de ce contexte qui l'amène à ouvrir une galerie à Londres et à quoi ça va ressembler, cette première galerie de Peggy Guggenheim qu'elle ouvre à Londres en 1938. Bien, d'abord, Peggy adore Londres. Elle est amoureuse de cette ville. Et elle décide donc de faire sa première galerie d'art à Londres qui va s'appeler Guggenheim Jeune. Et là, il va y avoir les dessins de Cocteau qui vont être exposés, Brancusi, là, le fameux sculpteur, Kandinsky, Duchamp. Elle est ravie, elle aime sa vie là-bas, mais malheureusement, arrive la guerre 1939 et Peggy doit revenir à Paris. Et elle vivra, à partir de ce moment-là, la période la plus fertile de sa carrière de collectionneuse. Then, when the war began, you left London. Lorsque la guerre éclate, vous quittez Londres. J'ai été envoyée à Paris pour acquérir les œuvres de la liste qu'Herbert Read avait faite pour moi. Durant ce premier hiver de la guerre, j'ai essayé d'acheter une peinture par jour. I tried to buy one painting a day. How did you go about doing that? Comment faisiez-vous pour y arriver? Well, I had friends in... J'avais des amis à Paris. Madame Van Doesberg, qui a été ma meilleure amie pendant des années, il y avait un marchand d'art, Howard Putzel, et aussi Marcel Duchamp, qui m'a présenté à de nombreux artistes. Donc, grâce à ces trois personnes, j'ai pu me débrouiller seule. Je recevais des appels toute la journée, et les gens m'apportaient des œuvres le matin, alors que j'étais encore au lit. Peggy Guggenheim, dans le documentaire Peggy Guggenheim, la collectionneuse. Parlez-nous, Geneviève Rioux, de cette période-là. On l'entend dans cet extrait, période complètement folle, où Peggy Guggenheim construit sa collection. On dirait un peu dans l'urgence, un peu comme si elle était engagée dans une course contre la montre, un tableau par jour. Vous le disiez, mais c'est probablement l'une des périodes les plus excitantes de sa vie. Absolument, mais c'était quand même assez stressant parce que là, c'était... En fait, il faut se souvenir que la guerre est déclarée, mais l'Allemagne n'a pas encore envahi la France. Donc, c'est la période de la drôle de guerre. Il se passe pas tellement de choses, mais tout le monde est anxieux, évidemment. Et parallèlement à ça, il y a des nazis qui persécutent depuis quelques années ceux qu'on appelle là, les artistes dégénérés. C'est terrible, hein, quand on leur donnait cette étiquette-là, ils voulaient s'en débarrasser. Et puis, évidemment, Peggy, elle décide de débarquer à Paris avec 40 000 $, ce qui était quand même une fortune à l'époque, et elle décide d'acheter une œuvre par jour, à partir de la liste d'œuvres d'artistes qu'elle a en poche. Et puis là, c'est une frénésie, puis il faut qu'elle fasse la description de sa collection, et les choses vont vite. Et puis, il y a des artistes aussi qui sont prêts à vendre leurs œuvres pour pas cher, parce qu'ils veulent juste les sauver du régime nazi. Alors, quand l'Allemagne occupe la France, à partir de 1940, là, il faut vraiment qu'elle mette sa collection à l'abri. Elle va voir le directeur du Louvre et il refuse catégoriquement de l'aider. Ça, c'est incroyable. Et les œuvres vont se retrouver au musée de Grenoble, finalement, pendant la guerre. Donc, le Louvre... Écoutez, imaginez. Là, ça, c'est vraiment l'ironie de l'histoire. Le Louvre qui refuse la collection de Peggy Guggenheim. C'est fou, hein? C'est complètement fou. Cela dit, faut le rappeler, elle est juive elle-même, Peggy Guggenheim. Elle ne veut pas, même si ça commence à être tendu, évidemment, l'Allemagne occupe la France à partir de 1940, mais elle décide de rester en France. Il est hors de question pour elle de regagner les États-Unis tant qu'elle ne peut pas partir avec sa collection. Elle va réussir ce coup-là en 1941. Elle organise le transport de ses œuvres aux États-Unis. Elle réussit du même coup à amener quelques artistes avec elle, à les amener avec elle aux États-Unis. Parlez-moi de cet épisode-là, très particulier, qui nous en dit aussi beaucoup sur le contexte de l'époque, Geneviève Rioux. Ben oui, alors il y a eu des gens qui ont voulu traverser, qui voulaient absolument aller aux États-Unis. Hein. Il y avait Varian Fry et puis toute une équipe de gens qui ont aidé des artistes à partir. Et là, Peggy, elle, réussit donc à pacter sa collection et la collection part en bateau vers l'Amérique. Donc ça, c'est réglé. Mais maintenant, il faut que Peggy parte. Oui. Elle est juive, alors elle est avec ses deux enfants et elle décide de faire venir un avion à Lisbonne qui va faire le transatlantique, qui va se rendre à New York. Donc, elle amène évidemment ses deux enfants, ses proches, quelques domestiques et tout ça. Et puis, aussi, il y a un siège qu'elle offre à Max Ernst. Elle est tombée amoureuse de Max Ernst, lui, pas vraiment, mais elle lui offre quelque chose qui va être dur à refuser. Elle lui dit, eh bien, Max, on pourrait se marier ensemble et comme ça, vous auriez la citoyenneté américaine et vous seriez sûr d'aller en Amérique et d'être sain et sauf. Évidemment, Max Ernst a fait la guerre de 14-18, tout jeune homme. Il n'a vraiment pas envie de retourner en guerre. Alors, il décide d'accepter l'offre de Peggy. Donc, ils partent ensemble avec quelques autres peintres à bord. En 1942, fraîchement revenu d'Europe, c'est à ce moment-là que Peggy Guggenheim ouvre sa célèbre galerie new-yorkaise dont vous nous parliez il y a quelques minutes, la Art of this Century. Elle a ouvert en 1942 aux États-Unis, à New York, une galerie qui a une place importante, capitale même dans l'histoire de l'art contemporain, Art of this Century. Et là, vraiment, elle a créé, elle a lancé l'école de New York. Elle a commencé par montrer des surréalistes, car elle était à cette époque-là mariée à Max Ernst et l'amie de Marcel Duchamp. Et elle a donc ouvert sa galerie aux surréalistes, et puis elle a eu quand même le coup de foudre pour Pollock. Pollock qui était à cette époque-là très peu connu, je crois. Oui, non, très très peu connu. Et elle y a cru. Elle y a cru et elle a eu raison d'ailleurs, car Pollock, avec le dripping qu'il avait appris chez Max Ernst, a trouvé une manière de peindre originale qui a brusquement donné une créativité toute nouvelle à son œuvre. Mais on peut dire que c'est que le Art of this Century a été le creuset de l'expressionnisme abstrait avec Motherwell, avec Basiotès, avec Reinhardt, avec Rothko, avec tous ces peintres qui plus tard seront les maîtres de l'action painting. On peut dire que vraiment, elle a eu une action déterminante. René Villot, à l'émission Les collectionneurs en 1985. Alors poursuivons sur ce qu'on vient d'entendre, Geneviève Rioux. De quelle manière cette galerie new-yorkaise de Peggy Guggenheim sera-t-elle si importante dans l'histoire de l'art moderne? Bien, je pense qu'elle constitue une équipe, elle travaille avec des jeunes, et puis ils décident d'installer les œuvres sur des câbles. Donc c'est transversal, ça donne c'est très avant-garde, et puis contemporain et tout. Et c'est très audacieux, c'est très bien fait, il y a une ambiance, et c'est un hit total. Et là, Peggy entre dans la cour des grands. Et là, elle va commencer à être vraiment considérée à sa juste valeur. Et quelques mois plus tard, il y aura une première exposition de femmes. Et c'est une idée de Peggy encore. Ce sont des femmes artistes qui vont présenter leurs œuvres, que des femmes. Et ça crée encore le buzz. Et puis, à ce moment-là, je pense que Peggy commence à re-aimer les États-Unis, parce que Peggy n'aimait pas beaucoup les États-Unis ni New York. Mais là, je pense qu'elle se sent un peu la reine de l'avant-garde. Juste, il y a peut-être un petit bémol, c'est que Max Ernst quitte Peggy, parce que bon, il l'a jamais vraiment aimé, et il est tombé amoureux d'une jeune artiste américaine très jolie, Dorothée Manning, et les deux, Max Ernst et Dorothée Manning, seront un couple pendant des années. Ils vont aller faire de la peinture dans le désert américain, et voilà. Et Dorothée Manning, qui faisait partie de cette exposition entièrement consacrée aux femmes, et Peggy va dire, un peu en boutade, Peggy Guggenheim va dire, j'en avais, entre guillemets, invité une de trop, une femme artiste à exposer. Je connaissais pas celle-là. Ouais. Donc, attends, esthétique. René Viau parlait de Jackson Pollock parce que, bon, il y a cette audace dont vous parliez, l'avant-garde dans ce qu'elle expose dans sa galerie, l'audace dans la manière d'exposer, l'idée de consacrer une exposition, c'était pas banal à l'époque, à uniquement consacrer à des artistes féminines. Puis il y a ces grands noms, dont Jackson Pollock. René Viau en parlait un peu dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Plus qu'une simple marchande d'art, Peggy Guggenheim va donc aussi être une mécène, Geneviève Rioux, l'un des plus célèbres protégés, c'est justement Jackson Pollock. Elle en sera d'ailleurs très, très fière de Pollock et du rôle qu'elle a joué dans sa carrière. Quelle importance ils auront l'un pour l'autre? Bien, je pense que Peggy, là, c'est une véritable mécène installée. Elle a tout compris et elle le met comme sur un piédestal. Là. Il va avoir les meilleures conditions. Même, je pense qu'elle lui fait peinturer son vestibule qui était très, très, très grand. Il y a une fresque incroyable. Donc, elle lui donne du travail. Elle lui trouve aussi des lieux pour travailler. Alors, il est en pleine éclosion. Et c'est aussi l'éclosion de l'expressionnisme américain. Il y a vraiment un momentum et il y a l'action painting dont on parlait tout à l'heure dans les extraits, le dripping qui sont très forts. C'est vraiment une pulsion d'une peinture qui est en train d'aller encore plus loin. Malheureusement, Pollock meurt à 44 ans dans un accident d'auto. Donc, mais il aura laissé quand même une collection extraordinaire. Et puis, je pense que Peggy aussi va faire une fortune avec. Oui, c'est un bon investissement. On va dire ça comme ça. En 48, elle se tourne vers l'Italie. Elle présente d'abord sa collection Peggy Guggenheim à la Biennale de Venise. Et elle décide de s'établir dans la cité des Doges, où elle ouvre en 1951 un musée qu'on peut encore voir aujourd'hui dans un palais qui borde le Grand Canal. C'est un lieu que vous connaissez, c'est un lieu magique. Comment décrire ce musée Guggenheim de Venise, puis cette vie, cette dernière période vénitienne de la vie de Peggy Guggenheim? Ben, moi, c'est un coup de foudre total, le musée de Peggy Guggenheim à Venise. Vraiment, c'est absolument délicieux. Il y a de l'humour, il y a de la fantaisie, il y a du génie dans ce musée. En fait, le lieu aussi est intéressant parce que Peggy a acheté un palais inachevé. Donc, il n'y a que deux étages. Donc, ça lui donne un look vraiment, vraiment contemporain. C'est blanc et ça ressort par rapport aux autres palais, bien sûr. Et quand on se promène dans ce petit musée-là, bon, il y a un petit jardin, et tout à coup, on rencontre, on voit une pierre tombale. Et il y a, en fait, 13 personnes qui sont mortes dans cette pierre tombale. Mais quand on se rapproche, en fait, on se rend compte que ce sont les chiens de Peggy. Ah bon? Les petits fiatous. Elle en avait à l'époque 13. Alors, ils sont chacun enterrés dans le jardin avec le nom d'écrit, la date de la naissance, mais de l'année et la date de la mort et tout ça. Alors, c'est dire à quel point Peggy était une excentrique et je pense que ses chiens aussi, ça la rassurait beaucoup. Sur les photos, on voit toujours, elle a toujours au moins 2 ou 3 chiens dans les bras. Et donc, on est chez elle. C'est ça qui est extraordinaire dans ce musée. Et quand on se promène dans la salle d'exposition, bien, on voit une autre gondole passer, et on tourne la tête et plus tout à coup, on a un Picasso qui nous éclate devant les yeux et c'est moderne et c'est surprenant, c'est même parfois amusant. C'est un lieu à visiter, ouais. Vraiment. Geneviève Rioux, animatrice, comédienne, ça a été un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.